France, un adulte sur trois est atteint d'hypertension artérielle, un chiffre qui fait de cette pathologie la maladie chronique la plus fréquente dans l'Hexagone. À l'échelle mondiale, ce sont environ 1,2 milliard de personnes qui souffrent d'hypertension et selon la première analyse de grande envergure parue dans The Lancet en août 2021, plus de 700 millions de personnes hypertendues ne sont pas traitées. Pour quelles raisons cette maladie est-elle sous-traitée et sous-diagnostiquée? Et quels risques encourent les personnes hypertendues qui ne se soignent pas, soit par manque d'accès à un traitement, soit par ignorance de leur maladie? Santé mondiale sous hypertension, c'est le programme Sous pression qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler des nombreux enjeux de grande envergure qui entourent l'hypertension artérielle, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de physiologie. Nous sommes également en ligne avec Xavier Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à PHP, président de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Mais avant de démarrer notre discussion, il est l'heure de retrouver celle qui chaque jour prend la tension de l'actualité scientifique. Il s'agit bien sûr de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature Communications. La calotte glaciaire de l'Antarctique peut se déstabiliser en une seule décennie. La semaine dernière, nous parlions ici des points de bascule climatiques, ces seuils à partir desquels on observe un emballement irréversible. Cette équipe internationale s'est intéressée au point de bascule de la fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique. Alors, plusieurs sources de données ont été combinées. Des débris qui proviennent des icebergs qui fondent autour de l'Antarctique, des études de modélisation et des observations satellites actuelles de la calotte. Alors, dans les sciences du climat, pour projeter ce qui va se passer dans le futur, on regarde ce qui s'est passé dans le passé, lors de cette dernière déglaciation, quand on est passé de l'ère glaciaire à l'Holocène actuel. Ce papier alerte sur la rapidité à laquelle la glace continentale a fondu au moment de la dernière déglaciation. Il se trouve qu'il n'a fallu qu'une seule décennie pour enclencher ce point de bascule de fonte irréversible. Julie Dehé est océanographe, physicienne, chercheuse CNRS au laboratoire L'Océan de l'IPSL. Cet article revisite la vitesse à laquelle la calotte entre dans des phases de fonte et en sort. C'est vraiment ça qu'il s'accentue ici. C'est, bon, d'une part, mais c'était déjà acquis, que la calotte ne fond pas avec toujours le même rythme, ce qu'on appelle la manière linéaire, c'est-à-dire que c'est toujours le même taux de fonte qui est appliqué année après année. Au contraire, ils reprennent un résultat qui avait déjà été publié, qui était qu'il y a des grandes étapes. Là, en l'occurrence, pour la dernière déglaciation, c'est 8 étapes de fonte, 8 phases de fonte. Et ce que ce papier apporte de nouveau, c'est vraiment la rapidité à laquelle on est entré dans ces phases de fonte et on en est sorti, qui est très très courte, mais beaucoup plus rapide que la phase de fonte elle-même. Oui, c'est-à-dire qu'il suffit d'une seule décennie pour faire basculer un système comme celui-ci, hein, c'est ça? Exactement, c'est ce que le papier propose. C'est qu'en une décennie, on s'est engagé dans une phase de fonte et en une décennie, on en est sorti. Et toute la phase de déglaciation était occupée par 8 de ces phases-là. Et donc ces 8 phases-là ayant une durée totale qui est plus importante, de l'ordre de à peu près 300 à 1000 ans. Mais donc pour des phases de 300 à 1000 ans, l'entrée dans cette phase-là n'a duré que, grosso modo, entre 10 et 40 ans, ce qui est très très rapide. Alors, la situation actuelle, on est en train de l'observer maintenant. Et on essaye de justement identifier si on est déjà tout de suite dans une de ces phases très rapides, l'initiation des glaciations ou pas. Le papier n'est pas conclusif sur le fait qu'on y soit, mais par contre le papier alerte sur le fait que peut-être si on y est, on va arriver très très vite dans une phase de déglaciation parce que ces phases d'initiation peuvent être aussi courtes qu'une dizaine d'années. Pour moi, ce papier, il alerte vraiment sur... on savait qu'il y avait ces tipping points, c'est-à-dire ces moments où le climat va s'emballer. On le savait déjà, mais là, j'ai envie de dire, ce papier, il met l'éclairage sur l'emballement de l'emballement. C'est-à-dire qu'on savait qu'on pouvait s'emballer, mais vraiment la vitesse à laquelle on peut tout d'un coup passer, c'est quasiment des switch on-off. C'est comme si on allumait, on éteignait, et que tout d'un coup, on passe dans ces phases d'emballement, donc avec des fonds très très rapides de la calotte, et puis tout d'un coup, on en sort, aussi vite qu'on est rentré d'ailleurs. Et c'est vraiment ça que le papier montre, c'est que du coup, il faut pas s'attendre à progressivement voir la calotte fondre. Quand la calotte va se mettre à fondre très vite, ça va forcément, donc le rythme sera accéléré, mais on va rentrer dans cette phase-là de façon encore plus accélérée. Cet article est quand même tout à fait novateur dans ses échelles de temps qu'il propose, et il va falloir confirmer tout ça. Et comme tous les jours, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez réécouter le Journal des Sciences et toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. La NASA a annoncé son futur projet de construction d'une centrale nucléaire sur la Lune. Voici, je cite, la prochaine étape vitale dans l'exploration spatiale humaine. Alors pour pouvoir faire fonctionner les équipements sur place et pour accueillir une présence humaine à long terme, la Lune doit pouvoir être autonome en énergie. En partenariat avec le DOE, le Department of Energy, la NASA lance donc un appel à projet pour la conception de réacteurs nucléaires compacts et légers d'ici février 2022. Selon le communiqué, cette technologie pourrait être fiable dans les cratères lunaires. Contrairement à l'énergie solaire, elle pourrait fonctionner 24 heures sur 24 dans des cratères sombres et pendant les longues nuits lunaires. Une fois ces projets évalués, la NASA espère envoyer et tester l'un de ses prototypes dans les 10 ans. Voilà qui est très rassurant. En bref, toujours, le premier cargo électrique et autonome vient d'être testé en Norvège. Oui, le Yara Birkeland, le premier cargo entièrement électrique et automoteur. Ce cargo de 80 mètres de long, alimenté par une batterie, a fait un premier voyage de 70 km jusqu'à Oslo. Il peut transporter 3200 tonnes de containers et à terme, il permettrait de remplacer 40 000 trajets en camion diesel chaque année. D'ici 2 ans, ce navire sera complètement autonome et sans équipage. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Current Biology, les corbeaux n'aiment pas la nouveauté. Une équipe internationale a étudié la néophobie des corbeaux, leur peur de la nouveauté. Dans une série d'expériences avec 240 oiseaux de 10 espèces différentes à travers le monde, les chercheurs leur ont présenté des aliments familiers aux côtés d'aliments ou d'objets nouveaux. Toutes les espèces de corbeaux se montrent très méfiante face à la nouveauté, surtout lorsqu'il s'agit d'objets. Mais les chercheurs montrent que leur niveau de méfiance, le temps de latence avant qu'ils ne s'en approchent, était influencé par des facteurs socio-écologiques. Les réponses néophobes sont atténuées. Si les corbeaux ont l'habitude de cacher leur nourriture, s'ils appartiennent à un grand groupe social ou s'ils vivent en ville. Merci beaucoup Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. On se rend compte, en se reportant plus de 3 siècles en arrière, combien furent longues les étapes qui conduisirent à l'isolement de l'hypertension artérielle. En 1628, Harvey découvre la circulation sanguine. Un siècle plus tard, un autre Anglais, Stephen Halse, a le premier l'idée de mesurer la pression artérielle en introduisant une canule dans l'artère d'une jument. Mais il faut attendre 1834, pour que soit présenté à l'Académie des sciences de Paris par Hérisson, l'ancêtre de nos manomètres actuels. À la même époque, exactement, naît avec Richard Bright le concept de l'hypertension artérielle, que cet auteur attribue à une augmentation de la résistance offerte au cours du sang par les artères rénales rétrécies. Depuis lors, d'innombrables travaux ont été consacrés à l'hypertension. Mais il faut bien reconnaître qu'en dépit de résultats appréciables, ces études laissent subsister bien des inconnus. On peut admettre que tout sujet dont la pression artérielle maxima dite encore systolique dépasse 165 mm de mercure et dont la pression artérielle minima dite encore diastolique dépasse 95 mm de mercure est un hypertendu. Cette définition purement manométrique de l'hypertension ne doit cependant pas être prise dans un sens trop strict, car il n'existe pas de limite nette et unanimement admise entre la pression artérielle normale et pathologique. Voilà pour cette description pas du tout hyper tendue de l'hypertension artérielle. On était en 1964, Bernard Lévy, on l'évoquera tout à l'heure, les chiffres et les seuils au-dessus desquels on est hyper tendu ont évolué à la baisse. Avant de prendre le chemin de la description de cette maladie de l'hypertension artérielle, Xavier Girard, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette immense étude qui a été réalisée par The Lancet cet été. qu'est-ce qu'elle nous permet de faire comme constat d'emblée dans cette émission sur l'hypertension artérielle ? Le premier constat qu'on fait avec l'étude du Lancet, c'est que cette hypertension touche le monde entier. Voilà, c'est une pandémie bien connue depuis longtemps, puisque vous l'avez rappelé il y a, dans le reportage qu'on vient d'avoir, déjà il y a 25 ans, 30 ans, on en parlait, et cette hypertension artérielle, pendant très longtemps, finalement, c'était une pathologie des pays où on avait possibilité de prendre en charge des patients qui étaient avec les complications de l'hypertension. La première complication, dans les années 40, c'était les maladies rénales. Mmh. Et les patients les plus atteints étaient ceux qui se voyaient proposer pour sortir de cette maladie rénale extrêmement rapide qui les faisait passer de vie à trépas en quelques semaines, qui était l'insuffisance rénale terminale. On leur a proposé de les mettre à un traitement très particulier qui consistait à leur donner un régime alimentaire où il n'y avait pas de sel du tout, mais alors zéro sel. Et c'est ça qui a été le point de départ des moyens de prendre en charge l'hypertension artérielle dans les années 40. C'était un mélange de ce traitement où on comprenait le rôle du rein, comme on l'a dit dans le reportage tout à l'heure, mais aussi le rôle de l'environnement, de l'alimentation, pour pouvoir expliquer cette maladie très mystérieuse qui était l'hypertension artérielle. Alors, on a fait d'énormes progrès en 40 ans, et aujourd'hui, l'hypertension artérielle touche le monde entier pour une raison un peu différente de ce qu'elle était il y a 100 ans. Ça touche le monde entier parce que, d'abord, le monde a vieilli. Et la première raison de l'hypertension, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, c'est en fait, comme son nom l'indique, l'hypertension artérielle, c'est parce que les artères vieillissent. Mmh. Et si vous avez la chance d'être vieux, alors un vieux, c'est 50 plus que l'âge du patron, hein, comme on dit, c'est globalement la certitude d'être hypertendu. Mais il n'y a pas que ça. Et on voit apparaître depuis une vingtaine d'années avec l'épidémie d'obésité dans le monde entier, alors qu'on soit dans les pays riches ou les pays pauvres, ben voilà, les gens grossissent. Et avec cette prise de poids, on voit apparaître des formes d'hypertension qu'on ne connaissait pas il y a 100 ans, qui sont les hypertensions qui sont associées aux mauvaises habitudes alimentaires, qui sont en particulier le fait que tous les aliments qui sont consommés dans tous les pays du monde, pour être fabriqués ou conservés, on doit rajouter du sel. Le sel est indispensable pour la fabrication ou la conservation. Et de ce fait, eh bien, les gens qui mangent trop de calories mangent aussi beaucoup de sel, de chlorure de sodium, mais aussi... Et on reviendra bien sûr évidemment sur les causes de... La cuisine asiatique contient du glutamate de sodium, et bien voilà, vous avez beaucoup d'hypertension dans les pays asiatiques, beaucoup d'hypertension dans les pays où il y a un surpoids important, et beaucoup d'hypertension dans les pays où les populations sont vieillissantes. Donc oui. Du coup, ça devient une pandémie avec 1,2 milliard personnes. Avec quand même un facteur qui est intéressant de souligner directement dans cette étude du Lancet, Bernard Lévy, 82% des personnes hypertendues dans le monde habitent dans des pays en développement ou des pays pauvres. Ça aussi, c'est une maladie, on va dire, un petit peu inégalitaire. Comment on explique cette inégalité-là ? En partie par l'alimentation et par la sédentarité. Dans les pays pauvres, ils sont pas plus sédentaires que nous. Donc je pense qu'il y a pas mal d'obèses dans les pays sous-développés. L'alimentation n'est pas bonne et c'est probablement le facteur principal. Mmh. Xavier Girard, on évoquait tout à l'heure le terme de maladie pour parler de l'hypertension artérielle. Est-ce que c'est un terme admis ? Est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui que c'est une pathologie ? Ou est-ce qu'on... Il y a un débat, je crois, entre maladie ou facteur de risque cardiovasculaire. C'est un énorme débat parmi les médecins et les scientifiques. Moi, je fais partie du camp où je dis que c'est une maladie des artères, mais aussi un facteur de risque des maladies. Il ne faut pas, l'un n'exclut pas l'autre. C'est les deux, en fait. J'aimerais rajouter un élément sur les causes de l'hypertension. On a parlé de l'environnement, on a parlé du vieillissement. Il faut aussi parler de la génétique. Et en particulier, il y a des pays du monde où il y a des familles qui sont touchées par l'hypertension artérielle de façon tout à fait plus importante qu'ailleurs, en particulier en Afrique subsaharienne. je vous l'apprendrai peut-être pas, mais je vous le dis quand même, la première cause de mortalité en Afrique, c'est pas le sida, c'est pas Ebola, c'est pas le Covid, c'est l'accident vasculaire cérébral. Mmh. Et l'accident vasculaire cérébral, le stroke en anglais, la première cause en est l'hypertension artérielle. Mais en Afrique, c'est un problème absolument majeur. Et pour nous, Français, nous avons le problème des populations qui sont aux Antilles ou en tout cas outre-mer, qui sont les populations avec une origine génétique africaine et qui, on le sait, sont particulièrement touchées par l'hypertension artérielle. Donc, il y a bien ces trois causes essentielles, le vieillissement, les maladies métaboliques, la génétique. Et la quatrième cause étant les causes plus médicales, spécialisées. Il y a des maladies des reins, il y a des maladies des artères qui peuvent favoriser l'hypertension artérielle. Mais la forme génétique est une forme qui, dans certains pays du monde, est très importante. Et là, Xavier Gérard, vous prenez un petit peu d'avance, puisque avant d'en arriver aux causes qui expliquent la maladie, il faut peut-être la décrire et la définir. Et on va faire ça dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On parle tout au long de cette heure d'hypertension artérielle. Bernard Lévy, vous êtes professeur émérite de physiologie. Alors dites-nous tout sur cette maladie de l'hypertension artérielle. Comment on peut l'expliquer d'un point de vue physiologique ? Il faut quand même se souvenir qu'il y a des causes de l'hypertension, mais la grande majorité, 90% des hypertendus, sont dits des hypertendus essentiels ou idiopathique. Et idiopathique en médecine, pour un médecin, c'est une façon polie et déguisée de dire « je ne sais pas ». C'est-à-dire qu'il y a des raisons inconnues, ou peut-être pas de raison du tout, je n'en sais rien. Alors, c'est une maladie ou un facteur de risque, les deux sont vrais. Pour une raison donc, en général, mal définie, la pression artérielle augmente. Et comme nous l'a dit Xavier tout à l'heure, le premier organe atteint, c'est l'artère. Mais c'est pas une atteinte pathologique en soi, dans la mesure où quand la pression dans un tuyau augmente, il est normal, il est sain, il est bénéfique que ce vaisseau s'épaississe, ce muscle s'enrichisse en fibres de manière à devenir plus résistant. Parce que si le vaisseau reste fin, souple, comme il est chez le jeune, eh bien, il va dans un premier temps se distendre, avec des risques d'anévrisme, avec des risques de rupture. Et donc, c'est une réaction normale pour un vaisseau de réagir, tous les vaisseaux, artères, veines, petites artères. Quand on augmente la pression dans un vaisseau, ce vaisseau réagit par un remodelage, remodelage hypertrophique, remodelage fibreux, qui le rend plus solide. Le problème, donc, à ce niveau-là, c'est un facteur de risque. Mais le problème, c'est que lorsque ce facteur de risque se perpétue dans le temps, le vaisseau qui est plus épais va devenir plus sensible à l'athérosclérose, il va devenir plus inflammatoire et il va donner lieu à une quantité de complications, y compris les complications thrombotiques, responsables d'une partie des accidents vasculaires cérébraux. Ça fait partie des grandes difficultés de l'hypertension artérielle, c'est le fait qu'il n'y ait pas de symptômes évidents extérieurs, voilà. En tout cas. La plupart des malades ne se plaignent de rien. On se rend compte que le niveau de pression est élevé lorsqu'on on mesure cette pression en médecine du travail, dans une pharmacie, et c'est d'ailleurs une des recommandations qu'il faut faire. Il faut multiplier ces conditions et ces circonstances dans lesquelles on va pouvoir dépister les hypertendus. En général, il n'y a aucun signe, le malade ne se plaint de rien. On peut se plaindre pour des formes rares, on peut se plaindre de céphalées, on peut se plaindre d'épistaxis, de saignement de nez, mais ça reste exceptionnel dans tout ce que j'ai vu. Il n'y a pas vraiment de trouble évocateur finalement, et c'est ce qui explique évocateur. Le fait que une personne hypertendue sur deux ignore son hypertension. Voilà, ceux qui ne croient pas à la maladie hypertensive disent que ce n'est pas une maladie du patient, c'est une maladie de l'appareil, du tensiomètre. Ah d'accord. Comment d'ailleurs ça fonctionne ? On peut peut-être rappeler, parce qu'on s'est tous fait prendre la tension, mais on n'a pas forcément idée des seuils au-delà desquels on est hypertendu. Qu'est-ce qu'on mesure quand on nous prend la tension et comment ça fonctionne ? Quand on vous prend la tension, on vous met un brassard autour de l'artère humérale. L'artère humérale est choisie parce qu'elle est accessible à une pression, à une compression, et elle est au niveau du cœur. Donc on mesure une pression qui est proche de la pression au niveau du cœur. Et dans ce brassard, il y a un ballon qu'on gonfle, il y a un ballon élastique qu'on gonfle, et qu'on gonfle jusqu'à ce qu'il écrase le vaisseau. Quand il écrase le vaisseau, le sang ne passe plus. Ensuite, on dégonfle doucement le brassard et les premiers, quand le brassard est très légèrement inférieur à la pression maximale qu'il y a dans l'artère, c'est-à-dire la pression systolique, la maxima, on a un premier passage, un premier jet de sang au-dessous du brassard. Et ce jet de sang, on l'entend. Ça fait une turbulence qu'on entend et c'est le premier signal acoustique qui donne la pression systolique. On dégonfle doucement le brassard, le son augmente, l'intensité du son augmente et finit par disparaître. Et le moment où il disparaît, c'est le moment où il n'y a plus aucune gêne du brassard sur le vaisseau, c'est-à-dire il n'y a plus aucune turbulence, on n'entend plus le. C'est la méthode SET acoustique qu'on écoutait avant avec un stéthoscope placé sous le brassard. Aujourd'hui, on a des tensiomètres automatiques qui utilisent d'autres techniques, mais qui sont au moins aussi fiables. Au-delà de quel seuil on estime qu'une personne est hypertendue, je crois que bon, on rappelle un petit peu. Au cabinet du médecin, il faut avoir une pression artérielle inférieure à 140/90. 140 mm de mercure. 140 mm de mercure, 90. Chez le docteur, on dit souvent 14,9. En dessous de 14,9, on n'est pas hypertendu. En dessous de 14,9, vous n'êtes pas hypertendu chez le médecin. Oui, chez le médecin, parce que Xavier Girard, on rappelle une des farces et une des ruses de l'hypertension, c'est qu'il peut y avoir des cas d'hypertension qui se dissimulent, ou alors des personnes qui vont être hypertendues en allant chez le médecin. Oui, Antoine, puisque nous sommes dans le temps long de votre superbe émission, j'aimerais vous proposer un tout petit historique, de continuer l'historique qui a été fait dans le reportage de 1960 concernant la mesure tensionnelle, parce que c'est probablement une des grandes avancées de ces dernières années. Il faut savoir que depuis 100 ans, nous avions la technique de mesure décrite par Bernard, qui était la technique dite auscultatoire. Et puis, il y a une vingtaine d'années, a été remise en avant la technique dite oscillométrique, qui est celle qui est utilisée dans les fameux tensiomètres automatiques que tout un chacun peut maintenant utiliser, et qui a été une révolution parce que ça a permis à des non-professionnels de mesurer leur pression artérielle avec une grande fiabilité, et on le dit même avec plus de fiabilité que le médecin, parce que ces techniques dites oscillométriques sont 10 fois plus précises, et on n'annonce plus 14,9, mais 142,88. Vous voyez, on a gagné d'une minute de 10 fois. Et puis, depuis quelques mois, il y a une nouvelle technique qui est aujourd'hui disponible. Alors, on est au tout début de cette révolution, qui est la technique dite de détection optique. Alors, c'est une technique qui est connue depuis très longtemps des physiologistes, qui consiste à détecter, en fait, vous voyez, quand vous comprimez votre peau, elle passe du rouge au blanc. Et puis, quand vous enlevez votre doigt, ça passe du blanc au rouge. Eh bien, ça, des capteurs optiques miniaturisés peuvent aujourd'hui dépister ce signal et ensuite le calibrer par rapport à la pression artérielle mesurée au niveau du bras. Et il y a, depuis quelques mois, un industriel suisse qui a mis au point un bracelet qui permet de mesurer la pression artérielle sans avoir la nécessité de comprimer l'artère. Et cette détection optique est, de mon point de vue, une révolution, parce que ça va complètement nous faire voir de façon différente la façon, pas de diagnostiquer, mais de surveiller la pression artérielle, parce qu'en particulier, on va pouvoir surveiller la pression artérielle pendant que les gens dorment. Et cette mesure de la pression nocturne, on sait depuis une vingtaine d'années que c'est très... Alors, on a perdu Xavier Girard. De la pression artérielle, c'est pas la pression artérielle. Allô, allô, vous m'entendez pas? Ça saute un petit peu, on vous écoute, allez-y. Bon. Alors, voilà, donc ce qui fait le risque de la pression artérielle, le plus important, c'est la pression qu'on a pendant la nuit, pendant le sommeil, parce que le sommeil, la pression est la plus basse. Eh bien, avec ces techniques révolutionnaires dites capteurs optiques, on a déjà la possibilité d'avoir la pression artérielle nocturne sans réveiller les gens. Et de ce fait, moi, je pense qu'on est à l'aube, là, vraiment d'une incroyable révolution, ce d'autant que tous les objets connectés, qui sont très à la mode depuis une dizaine d'années, essayent d'embarquer ces techniques-là, pour qu'on puisse avoir, comme on a aujourd'hui, la fréquence des battements cardiaques très simplement avec une montre que l'on met sur le poignet. Eh bien, déjà aujourd'hui, avec ce bracelet Actia, qui est le nom du fabricant, on aura possibilité. On a possibilité d'avoir la pression artérielle jour et nuit, 24/24. Ça tombe bien que vous en parliez, Xavier Girard, de ce bracelet, puisque Bernard Lévy, vous êtes vous-même détenteur de ce bracelet. Je l'ai au poignet gauche aujourd'hui, et je l'ai mise pour la montrer, et c'est tout à fait confortable, on ne le sent pas du tout, et ça mesure la pression toutes les deux heures. Mais quand je parlais tout à l'heure au cabinet du médecin à 140-90, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à ces mesures qui ne sont pas faites chez le médecin, doivent donner des chiffres, l'hypertension, le seuil d'hypertension est plus faible. 135 ou 130 mm de mercure selon les conditions pour la systolique et 90 ou 85 chez le 85 ou 90 pour la diastolique. Oui, parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, les ruses de l'hypertension artérielle, c'est aussi cet effet blouse blanche, Bernard Lévy, le fait que certaines personnes vont être hyper tendues quand elles vont aller chez le médecin, tandis que des personnes qui souffrent d'hypertension vont pas être hyper tendues quand elles vont être chez le médecin. Donc c'est l'hypertension masquée. L'hypertension, absolument. Voilà. L'hypertension, l'effet blouse blanche, c'est le fait que le patient est stressé par la visite chez le médecin. Il a des chiffres élevés et d'où l'intérêt de faire ces mesures chez soi. D'où l'intérêt de faire des mesures. Bon, tout le monde n'en a pas encore cette montre. Qui a l'avantage de ne pas donner l'heure. Mais il est indispensable de proposer au malade une mesure chez lui, soit par ce qu'on appelle une mesure automatique de pression artérielle, une MAPA, qui est un appareil qu'on met au bras du malade avec un petit boîtier à la ceinture qui mesure la pression artérielle tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, le jour et la nuit, de manière à vraiment caractériser cette hypertension dans le cycle nictémoral, ou alors de proposer une automesure. C'est-à-dire que de lui prêter ou de lui faire acheter un appareil qui est validé. Et cet appareil, il doit l'utiliser 3 jours de suite, 3 fois le matin. Xavier Gérard, pour en revenir à la question des causes de l'hypertension artérielle, on parlait tout à l'heure d'une hypertension essentielle dont on ignore un peu les causes. Il y a quand même des facteurs de risque que vous évoquiez en début d'émission, une consommation de sel, une mauvaise alimentation. L'alcool. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque? Voilà, Bernard Lévy. L'alcool, le tabac, le surpoids, la sédentarité, j'en oublie, Xavier. Xavier Gérard. Alors oui, donc là aussi, est-ce qu'on a beaucoup progressé en 100 ans? La réponse est... En fait, non. On sait que le rein, les glandes surrénales qui sont au-dessus des reins et qui sont l'usine à hormones, sont très impliquées dans beaucoup de causes d'hypertension artérielle, dites aujourd'hui essentielles. Il y a des travaux récents anglo-saxons qui montrent que 15% probablement de ces formes d'hypertension pour lesquelles on disait « bon, il n'y a rien », sont en fait un petit dysfonctionnement des glandes surrénales. Eh ben, ça tombe bien que vous en parliez, puisque c'est justement sont effectivement des glandes qui sont très complexes à évaluer, à regarder. Mais il se trouve que les médicaments antihypertenseurs utilisés depuis la nuit des temps, c'est-à-dire la fameuse classe des diurétiques, marchent particulièrement bien pour contrer les hypertensions de ces formes venant des glandes surrénales. Donc en fait, est-ce que c'est très important de trouver la cause? Moi, je pense que le problème n'est pas là, et vous l'avez dit tout à l'heure, Antoine, le plus important, c'est de ne pas se tromper dans le diagnostic. Et là, on a beaucoup avancé grâce à ces techniques nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, porter le diagnostic de l'hypertension artérielle, eh bien, on se trompe moins qu'il y a 20 ou 30 ans grâce à ces techniques de mesure. C'est peut-être pas en tout cas complètement inintéressant d'étudier les causes, puisque si la plupart des cas d'hypertension artérielle n'a pas de cause, comme vous le rappeliez à l'instant Xavier Gérard, certaines ont une origine génétique, et c'est le sujet du reportage du jour avec vous, Alexandra Delbeau, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes rendu au PARC, le Paris Centre de Recherche Cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou, pour ce reportage. Oui, j'ai rencontré Maria Cristina Zenaro, directrice de recherche à l'INSERM, qui étudie les mécanismes génétiques de l'hypertension artérielle et d'une forme justement endocrine, donc un dysfonctionnement des glandes surrénales, qui est l'hyperaldostéronisme primaire. C'est pas facile, je le savais. C'est la forme la plus fréquente d'hypertension artérielle secondaire. Et cette chercheuse a découvert un nouveau gène impliqué dans les formes familiales de cette maladie. C'est un gène codant un canal chlorure, donc une petite protéine tunnel qui reste cette fois continuellement ouverte, provoquant ainsi une augmentation de la production d'aldostérone et donc de la tension artérielle. D'autres gènes sont impliqués dans les formes non familiales de la maladie, notamment à certaines périodes charnières de la vie, comme la puberté, la grossesse ou encore la ménopause. Les recherches génétiques sur l'hyperaldostéronisme à venir permettront de mieux comprendre son origine, mais aussi de découvrir des biomarqueurs afin de rendre le diagnostic de cette maladie complexe le plus précoce possible. Alors l'hyperaldostéronisme primaire est la forme la plus fréquente d'hypertension artérielle secondaire. Alors normalement, On peut dire que 90% des formes d'hypertension artérielle sont des formes sans une cause identifiable, alors que 10% environ ont des causes, et ces causes incluent la surproduction de certaines hormones, notamment de la surrénale, dont l'aldostérone, qui est une des principales hormones impliquées dans la régulation de la pression artérielle. Et donc, à l'hôpital, on réalise le diagnostic génétique de l'hyperaldostéronisme familial, qui représente environ 6% des cas d'hyperaldostéronisme. On recherche des mutations dans un certain nombre de gènes qui sont connus. Quand on ne retrouve rien, alors on peut, avec le consentement des patients, procéder à l'analyse donc de l'exome entier. Ce sont des analyses plus complexes et là, on recherche des nouveaux gènes et des nouvelles mutations impliquées dans la maladie. Et une fois qu'on a retrouvé des gènes portant des variations génétiques, il faut encore vérifier si ces variations ont des conséquences sur la fonction de la protéine et si elles sont responsables de la maladie. Et donc, ce que nous faisons après au laboratoire, c'est d'étudier à la fois la fonction de la protéine mutée et les conséquences de l'expression de cette protéine dans à la fois des cellules ou alors dans des modèles animaux pour voir si elles peuvent être responsables de la maladie. Est-ce que vous avez identifié, c'est justement une protéine particulière qui a un canal? Comment est-ce que vous l'avez trouvé et comment identifier ses conséquences en fait sur la production d'aldostérone? Alors en effet, on a identifié chez une jeune patiente de 9 ans, diagnostiquée avec un hyperaldostéronisme primaire et une forme très sévère d'hypertension artérielle, on a identifié une variation génétique dans ce gène qui s'appelle CLCN2 et qui code pour un canal chlorure qui s'appelle CLC2. Et alors, jusque-là, en fait, on n'avait aucune idée de ce qu'un canal chlorure pouvait faire dans la biosynthèse de l'aldostérone en situation physiologico-pathologique. Et donc, nous avons à la fois analysé la fonction de cette protéine mutée. Donc, on a vu que ce canal avait... Un canal, c'est un petit tunnel dans la cellule. Tout à fait, un canal, c'est un tunnel dans la cellule, mais qui n'est pas toujours ouvert. Il s'ouvre, il se ferme selon des conditions très bien définies. Et ce canal, la mutation que nous avons retrouvée, induisait un gain de fonction de ce canal, c'est-à-dire le canal n'était plus du tout ouvert ou fermé dans les conditions habituelles. Donc il était surtout très ouvert. Mmh. Et donc s'il était très ouvert, il y avait un flux de ions chlorure augmenté par rapport aux conditions normales et surtout qui ne correspondait pas aux besoins de la cellule. Et donc ça, justement, c'est ça qui a provoqué la production d'aldostérone. Comment est-ce que vous avez fait le lien entre l'un et l'autre? Alors, on a fait le lien en prenant ce canal muté, en le faisant exprimer par des cellules de surrénales. Donc, ce sont des modèles dans lesquels on peut mesurer la fonction de la cellule, notamment la production d'aldostérone. Et nous avons regardé si la cellule produisait plus d'aldostérone, et c'était le cas. Donc, ensuite, on est passé au modèle animal, et au modèle animal... La souris? Absolument, ce sont des souris génétiquement modifiées dans lesquelles ce canal porte une petite modification qui reproduit grosso modo toutes les mutations qui ont été trouvées à la fois par notre laboratoire et par d'autres laboratoires. Et on voit bien que quand on introduit cette mutation, les souris développent une hypertension artérielle qui est due à un hyperaldostéronisme primaire, qui correspond tout à fait au tableau clinique qu'on voit chez le patient. Et ça, c'est une toute petite partie de l'aldostéronisme primaire, cette partie familiale. Et ce que vous identifiez aussi, c'est toutes les autres parties qui ne le sont pas. Alors, il y a une grande partie des hyperaldostéronismes donc qui ne sont pas familiaux. Et donc, chez l'hyperaldostéronisme, il est dû donc à une production excessive d'aldostérone par la glande surrénale. Ce sont deux glandes endocrines qui sont sur les reins. Sur les reins, exactement. Et qui peut être dû soit à un fonctionnement excessif des deux glandes, ou alors il y a un petit nodule bénin de une de deux glandes. Ça s'appelle un adénome produisant de l'aldostérone. Et tout récemment, en fait, on vient d'identifier des nouvelles anomalies génétiques chez des patients porteurs donc d'un adénome produisant de l'aldostérone, se manifestant à la puberté, pendant la grossesse ou à la ménopause. Les cellules expriment des gènes tout à fait particuliers, et parmi ces gènes, des récepteurs à des hormones qui sont très élevées pendant la puberté, la grossesse et la ménopause. Et donc, les conséquences de cette découverte, hein, c'est que il faut absolument rechercher un hyperaldostéronisme primaire dans ces phases particulières de la vie. Et du coup, la poursuite de vos travaux, les prochaines études justement génétiques autour de ça? Alors, on recherche, on continue de chercher hein, pour les causes génétiques, parce qu'on est loin d'avoir identifié toutes les causes génétiques chez des patients, par exemple, atteints de formes familiales. On est loin d'avoir identifié toutes les causes génétiques chez des sujets jeunes. Et puis, ce dont on a besoin aussi énormément, ce sont des biomarqueurs pour faciliter le diagnostic, parce que le diagnostic de la maladie est quand même très complexe. Et c'est pour cela qu'on a des retards de diagnostic qui diminuent aussi les chances de guérison de la personne. Donc, le plus tôt on identifie la maladie, le mieux ça sera pour l'issue thérapeutique. Et ça, on le fait en essayant cette fois-ci de rechercher non pas des anomalies génétiques, mais des biomarqueurs circulants de la maladie. Voilà pour ce reportage au parc, chez vous finalement, Bernard Lévy, vous avez contribué à la fondation de ce centre de recherche. Absolument. Oui. Une réaction à ce que vous venez d'entendre et à ces facteurs génétiques qui causeraient l'hypertension artérielle. C'est très important. C'est très important au niveau de la connaissance, c'est très important au niveau des formes graves. Vous avez entendu une petite fille de 9 ans qui a une forme gravissime d'hypertension artérielle. Il faut les comprendre, il faut savoir les soigner. Il faut quand même savoir que dans la population générale, les formes d'hypertension secondaire et encore plus les formes d'hypertension génétique sont rares. Mmh. Et la grande majorité des patients sont atteints d'une hypertension dite essentielle. Et comme disait Xavier tout à l'heure, il n'est pas indispensable de rechercher la cause. Il est absolument tout de suite, dans la majorité des cas, il n'est pas indispensable de rechercher la cause. Il est capital de traiter le patient tout de suite. Ben justement, puisque vous parlez de traitement, on va y venir dans un instant. Après avoir défini ce qu'était l'hypertension artérielle et l'avoir décrite, on va parler des traitements. Ce sera juste après ça. La méthode scientifique sur France Culture, nous parlons tout au long de cette heure de l'hypertension artérielle et nous en parlons avec Bernard Lévy, professeur émérite de physiologie, avec nous également Xavier Girard, cardiologue à la Pitié-Salpêtrière et président de la fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Alors après avoir décrit ce qu'était l'hypertension artérielle, sa physiologie, nous allons parler maintenant des conséquences de cette pathologie. Xavier Girard, est-ce qu'on peut établir un petit peu la liste de ces conséquences-là, notamment si la maladie n'est pas traitée, n'est pas prise en charge? Alors, la conséquence numéro un de l'hypertension non prise en charge, c'est l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral qui va toucher globalement les gens après 10 années en moyenne, hein, 10 années de non-diagnostic de l'hypertension. Et ces 10 années sont 10 années qui peuvent être complètement sans symptômes, on l'a dit tout à l'heure. Il peut y avoir aussi aussi des difficultés pendant un certain nombre d'années à soigner l'hypertension artérielle, en particulier si l'hypertension est dans ses formes un peu génétiques surrénaliennes dont le docteur Zenaro nous a parlé il y a quelques instants. Et moi, j'aimerais juste dire un mot à tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être se disent « mais j'ai peut-être une forme génétique familiale liée à la surrénale ». Alors, dans 80% des cas, ces formes s'accompagnent d'un manque de potassium au niveau de la prise de sang des plus simples, le potassium sanguin, ou kaliémie pour les médecins. Et donc, il faut absolument demander à son médecin, quand on a une hypertension, « mais est-ce que vous m'avez fait le dosage du potassium sanguin ?» Et si ce potassium est plutôt bas, ou franchement bas, alors on doit suspecter une cause surrénale, ce d'autant que l'hypertension est difficile à soigner par les traitements, je dirais, traditionnels. Et c'est une cause très importante de succès quand on va voir un spécialiste de l'hypertension, c'est que nous avons le flair pour dépister ces formes d'hypertension venant de cause surrénalienne. Alors, on ne demande aujourd'hui pas de diagnostic génétique parce que ça reste encore du domaine de la recherche. En revanche, certains médicaments de la famille des diurétiques anti-aldostérone sont extraordinairement efficaces pour soigner ces formes d'hypertension artérielle d'origine surrénalienne. Et donc, voilà, il faut se dire qu'aujourd'hui, on peut ne pas faire le diagnostic, mais finalement traiter les gens pour leur éviter de faire les complications, en particulier l'accident vasculaire cérébral. Alors, il y a d'autres complications à l'hypertension, les complications, en particulier chez les sujets plus âgés, les complications cardiaques. Oui, c'est ça. Oui. Cardiaque. Mais alors, chez le sujet plus âgé, ce n'est pas vraiment une hypertension non diagnostiquée, mais c'est une hypertension qui, malgré les traitements, va se compliquer de complications cardiologiques, en particulier de ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Vous avez dû faire déjà des émissions autour de ce... L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui est très complexe, très difficile à prendre en charge, et chez les sujets les plus âgés, qui mène à ce qu'on appelle l'œdème au poumon, l'œdème aigu du poumon, qui est une circonstance de détresse respiratoire aiguë et qui, bien évidemment, a le plus souvent comme cause déclenchante une poussée de tension. Et donc, un sujet âgé qui va faire des poussées de tension est plus exposé au risque d'œdème aigu du poumon. Donc, c'est vraiment un élément qu'il faut bien prendre en compte et qu'il faut prendre en charge avec des traitements les plus adaptés possibles. Mais on reste encore assez démunis pour prendre en charge ces hypertensions des sujets âgés, qui sont des hypertensions très variables où le système artériel est en fait très malade et on n'a pas de traitement pour soigner les artères. Une fois que les artères sont malades, c'est très compliqué de les remettre dans un état de jeunesse. Peut-être que Bernard nous trouvera un jour des thérapeutiques miraculeuses pour cela. Bernard Lévy. Non, je ne trouverai plus rien du tout. Mais c'est vrai que c'est une maladie. Alors, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, le cœur, infarctus, insuffisance cardiaque, le rein, insuffisance rénale, l'œil, les pathologies de l'œil liées à l'hypertension, les membres inférieurs, l'artérite des membres inférieurs. Si vous me donnez une minute, on comprend mal l'origine des hypertensions essentielles, on comprend mieux l'origine des complications. Ce sont toujours des complications qui sont liées à une insuffisance de perfusion. Donc là, le physiologiste se trouve dans son domaine parce que l'essentiel, donc vous connaissez l'arbre vasculaire, vous avez l'aorte, vous avez les grosses artères, les petites artères, l'aorte il n'y en a qu'une, les grosses artères il y en a quelques dizaines, les petites artères, les artérioles il y en a quelques millions, et les capillaires il y en a 10 puissance 12. Et c'est au niveau des capillaires que vous avez tous les échanges entre le sang et les cellules. Pour qu'un capillaire soit efficace pour ces échanges, il faut qu'il soit extrêmement fin. Il faut que la paroi soit très fine. En réalité, la paroi d'un capillaire est de l'ordre de 0,1 micron. Mmh. Il y a une seule cellule endothéliale posée sur une membrane basale. Et 0,1 micron, ça fait une paroi fine, paroi très efficace pour les transferts de gaz, d'eau, d'ions, etc. Mais une paroi très fragile. Donc, le système vasculaire a pour mission, entre autres, de protéger le capillaire d'une surtension. Et pour protéger le capillaire d'une hyperpression, il a un mécanisme qu'on appelle le tonus myogénique. Lorsque la pression augmente, l'artériole qui est juste avant le capillaire, juste en amont du capillaire, cette artériole se ferme, se constricte. Avec deux conséquences. Elle aggrave l'hypertension, puisque si vous fermez toutes les sorties, ben vous augmentez les résistances et vous augmentez le niveau de pression artérielle centrale dans les grosses artères, et elle diminue la perfusion des organes. Et c'est l'origine des complications. Mmh. Avec une dernière chose, un vaisseau non perfusé disparaît. Donc les capillaires, quand vous avez ce tonus myogénique qui ferme l'artériole pré-capillaire, certains capillaires ne sont plus du tout perfusés, ils disparaissent en quelques heures ou quelques jours au plus, et vous avez un phénomène qui participe d'une part à l'hypertension artérielle et d'autre part à ses complications, la raréfaction vasculaire. Voilà pour une précision physiologique. Merci beaucoup Bernard Lévy. Xavier Girard, si on en revient maintenant aux questions liées au traitement de l'hypertension artérielle, il y a des mesures non médicamenteuses, des mesures médicamenteuses. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les recommandations qui sont faites d'abord. Les mesures non médicamenteuses et les mesures médicamenteuses, c'est effectivement les deux piliers du traitement. Et dans les mesures non médicamenteuses, tout a commencé dans les années 40, je vous en ai parlé tout à l'heure, par ce fameux régime de Kepner, Kepner étant un physiologiste allemand qui était parti aux États-Unis au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et qui, Monsieur Kepner a une idée géniale, c'est de proposer à ces hypertendus qui avaient des néphropathies, des néphrites extrêmement sévères, de les restreindre en selle pendant quelques semaines, et c'est les premières études dites randomisées, c'est-à-dire il avait tiré au sort les patients auxquels il proposait ce régime par rapport à ceux auxquels il ne le proposait pas, et il s'était rendu compte que ceux auxquels il proposait un régime sans selle strict, alors c'était à base de riz, et on rajoutait une orange pour apporter de la vitamine C et éviter que les gens aient le scorbut. Et donc, voilà, le régime de Kepner a démontré pour la première fois qu'on était capable de soigner l'hypertension. Et puis après, dans les années 60, sont arrivés les premiers médicaments. Et les premiers médicaments étaient les médicaments diurétiques. Et les diurétiques étaient basés sur la même idée. On va éliminer le sel qui s'est accumulé chez ces patients hypertendus. Et en le faisant, eh bien, on s'était dit, ça y est, on a trouvé le traitement pour soigner l'hypertension. Alors, après ces diurétiques, il y a eu les bêta-bloquants, puis après il y a eu les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARTAN. Alors ça a été une très grande révolution en cardiologie, c'est qu'on a démontré qu'en inhibant un système de régulation que Bernard Lévy connaît extrêmement bien, il a beaucoup participé à la connaissance de ce mécanisme d'action sur les vaisseaux, de ce blocage du système renin-angiotensine, eh bien on soignait beaucoup de maladies cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque, mais aussi l'hypertension artérielle. Et aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les gens sont soignés pour lutter contre cette hypertension artérielle, en France et dans tous les pays où on a un accès à tous les médicaments, eh bien, 90% des ordonnances vont comporter ce qu'on appelle les bloqueurs du système renin-angiotensine, IEC ou Zartan, et les diurétiques, qui sont les médicaments les premiers utilisés, sont toujours utilisés, parce que pour un certain nombre d'hypertensions artérielles, si on n'utilise pas les diurétiques, on n'y arrive pas. Et donc, pour cela qu'aujourd'hui, on a un nombre considérable de médicaments. On a en fait 18 molécules disponibles. Et ces 18 molécules, à différents dosages, différents noms, on a plus de 150 médicaments différents pour soigner l'hypertension. Bernard Lévy, comment on fait pour s'y retrouver justement dans ces vastes classes? Alors, il y a 4 ou 5 classes de médicaments contre l'hypertension artérielle, plus de 180 médicaments. Est-ce que on les conjugue? Est-ce que on choisit? Comment on va faire pour choisir la bonne molécule? Déjà, on regarde l'âge de son patient, on regarde l'origine ethnique de son patient. Et les patients jeunes sont beaucoup plus sensibles aux inhibiteurs du système renin-angiotensine. Les patients d'origine africaine ne le sont pas, ou le sont beaucoup moins. On explique ça comment? Ah, je ne sais pas. Xavier doit l'expliquer, je ne sais pas, c'est certainement génétique. Mm-hmm. Mais pourquoi, je ne sais pas. Donc déjà, ça vous aide à vous orienter. Ensuite, les recommandations qui sont de bon sens, hein, se recommandent de commencer donc selon l'âge et l'origine de votre patient par des bloqueurs calciques ou par des inhibiteurs du système renin-angiotensine associés ou non à des diurétiques. Et il est de plus en plus recommandé, de plus en plus fréquent de commencer par une association de deux médicaments. Parce que la technique ancienne était de choisir un médicament et d'augmenter ce médicament, d'augmenter les doses de ce médicament jusqu'à démontrer soit son efficacité, soit son manque d'efficacité ou insuffisance. Mmh. Et alors là, on changeait de médicament. et on passait des mois, et le malade se lassait, le malade ne venait plus, il faudrait qu'on parle d'observance. Oui, c'est ça qui est très compliqué avec l'hypertension artérielle, c'est que comme c'est un traitement préventif, finalement, les patients ne voient pas forcément l'intérêt de se soigner. Vous avez de la fièvre, vous prenez un antibiotique, vous n'avez plus de fièvre, vous êtes guéri, vous arrêtez l'antibiotique. Le patient standard, normal, a une hypertension artérielle, on lui donne un traitement, sa tension baisse, il se croit guéri. Et on a tout dit sur l'hypertension, mais les chiffres grossiers que Xavier peut affiner beaucoup, c'est que vraiment, la moitié des hypertendus ne le savent pas, la moitié qui le savent, de ceux qui le savent ne sont pas traités, et la moitié de ceux qui sont traités sont bien contrôlés. C'est-à-dire qu'une très faible minorité des hypertendus sont traités correctement. Donc, il est important d'arriver rapidement à un traitement efficace parce que sinon, le patient et même le médecin vont se lasser plus rapidement et le patient va retourner dans la nature avec son hypertension. Et on le reverra avec ses complications. C'est important de rappeler que l'hypertension, c'est un traitement à vie. C'est un traitement à vie. Xavier Girard, on parle de traitement. Est-ce qu'il y a des hypertensions artérielles résistantes et durement résistantes? Expliquez-nous un petit peu ça. Est-ce que ça existe et quelle proportion de patients sont atteints par ça? Le problème des pourcentages de patients contrôlés, traités, c'est en fait aussi très lié au système de santé dans lequel vous évoluez. Et c'est l'étude du Lancet que vous avez citée en tout début d'émission est très intéressante à cet égard, parce qu'on voit que, par exemple, dans la catégorie hypertension traitée contrôlée, en France, il y a 22% des hommes qui sont traités contrôlés, hypertendus, et 30% des femmes. Vous voyez, la différence entre hommes et femmes est importante. Et il y a d'ailleurs, d'une façon générale, les femmes sont mieux traitées et mieux contrôlées que les hommes dans le monde entier. Mais au Canada, ces mêmes catégories, on a 62% des patients qui sont traités contrôlés. Donc, vous voyez, un système de santé, au Canada, ils ont les mêmes médicaments que nous, mais ils n'ont pas le même système de santé. Ils n'ont pas la même perception. Pas la même motivation peut-être ou organisation des soins qui fait qu'un patient suit son traitement, la fameuse observante des traitements. Elle est assez bonne pour les traitements antihypertenseurs, mais ça dépend beaucoup des conditions socio-économiques, par exemple, du patient. Et donc, ces éléments-là sont très, très variés. Et parler de résistance au traitement, c'est encore quelque chose de différent. C'est-à-dire, est-ce que... Il y a des patients qui, malgré le fait qu'ils prennent leur traitement, on n'y arrive pas. Eh bien, la réponse est oui. Et ces patients-là sont des patients qui vont plutôt aller voir le spécialiste, le cardiologue, le néphrologue, et puis après le spécialiste du spécialiste, c'est-à-dire l'hypertensiologue. Moi, je suis, par exemple, un cardiologue hypertensiologue. Donc, je n'ai à ma consultation que des patients qui sont dans l'échec thérapeutique habituel et usuel. Alors, moi, j'ai un certain nombre d'astuces, de trucs, une expérience qui me permet d'être un peu moins mauvais que mes collègues. En fait, le problème, c'est terrible à dire pour nous médecins, c'est que le problème de l'hypertension non contrôlée est un problème qui touche beaucoup à la compétence médicale. Et on peut dire cela parce que des nouvelles options thérapeutiques sont maintenant ce que l'on appelle les thérapies numériques, c'est-à-dire en cédant des outils qui sont les outils du numérique, de cette fameuse intelligence artificielle qui permet finalement d'apporter au médecin une aide. Le médecin ne peut pas tout savoir. Eh bien, si on l'aide en lui disant « mais vous savez, il y a des experts qui font comme ci, comme ça, essayez de faire comme ça avec ce patient-là », eh bien, en fait, on y arrive. On y arrive plus. Donc, en fait, on est pour l'hypertension artérielle dans une difficulté qui est celle que c'est tellement compliqué pour certains patients qu'il faut une très grande expertise pour y arriver, et puis il faut aussi que le patient prenne son traitement, le suive. Et l'hôpital Pompidou a beaucoup brillé ces dernières années en démontrant que chez des gens qui viennent à la consultation de l'hôpital Pompidou avec ce diagnostic d'hypertension résistante, 50% ne prennent pas leur traitement. C'est incroyable. Pourquoi viennent-ils donc? Eh bien, ils viennent pour essayer d'avoir d'autres options thérapeutiques. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre de médicaments et, par exemple, dans les centres de spécialité, on leur propose des techniques non médicamenteuses, alors qui ne sont pas celles uniquement de leur faire faire de l'exercice physique, mais on a des nouvelles techniques qui sont développées depuis une dizaine d'années, qui sont des techniques dites de thérapie interventionnelle. On propose la dénervation rénale, la stimulation du barorécepteur. Moi, j'ai inclus des patients dans des protocoles parce que toutes ces techniques sont des techniques de recherche encore, où on propose aux gens de ne pas prendre de médicaments, mais d'avoir des techniques interventionnelles. Le problème de ces techniques, c'est que ça ne marche pas chez tous les patients. Il n'y a que 20-25% des gens qui sont améliorés. Et ça coûte cher, peut-être. Ça coûte cher aussi. Les autorités sanitaires ne veulent pas rembourser ces techniques. Et donc, on a là un autre problème qu'il faut aborder dans votre émission, qui est celui, je vous l'ai dit, du système de santé, de son organisation. Eh bien, il faut savoir qu'en France, le système de santé n'est pas très performant depuis une quinzaine d'années vis-à-vis des hypertendus. Les autorités sanitaires ont décidé, et les autorités politiques, hein, d'une façon générale, ont décidé de laisser tomber les 10 millions de patients hypertendus en France en déremboursant des médicaments, en n'autorisant pas le remboursement. Par exemple, Bernard vous a dit tout à l'heure, les combinaisons de médicaments dans un seul comprimé. Trois médicaments dans un seul comprimé, les trithérapies, c'est utilisé dans le sida. C'est utilisé dans l'hypertension artérielle dans tous les pays du monde, sauf en France. Alors pourquoi pas en France ? Eh bien parce que les autorités sanitaires, depuis 2010, se sont opposées au remboursement des trithérapies en France. Bernard, pour quelles raisons ? Moi, je ne suis pas autorité sanitaire. Bernard, c'est peut-être les vraies raisons, mais c'est un élément qui est le marqueur du fait que, malheureusement, en France, on n'est pas très bien loti parce qu'on considère que l'hypertension artérielle, on a tout ce qu'il faut et qu'on n'a pas besoin d'avoir plus d'autres choses. Et de ce fait, la recherche, en particulier pharmacologique, concernant les médicaments antihypertenseurs dans le monde entier, est complètement à l'arrêt depuis 10 ans. Il n'y a aucun médicament nouveau, ou quasiment aucun. Il y a quelques petites boîtes qui développent des produits nouveaux. Mais globalement, c'est une recherche qui a, pour les médicaments, complètement stoppé, alors qu'il y a d'autres domaines beaucoup plus dynamiques, la thérapie numérique, la thérapie non médicamenteuse, où il y a beaucoup plus de dynamisme. Bernard Lévy, une réaction à ce que dit Xavier Girard. Je partage complètement tout ce que Xavier vient de dire. Simplement, une notion en plus, les gériatres ont démontré, de manière statistique, que lorsqu'on donne à un patient âgé plus de 6 médicaments, il ne les prend plus. Mmh, oui, il en ça. Oublie, il les prend plus. C'est bien normal. Oui. Vous avez vu chez vos grands-parents ou des piluliers avec des pastilles de toutes les couleurs, et ces pastilles changent de couleur parce qu'on leur donne des génériques. Donc en janvier, ils ont un cachet rouge et en février, un comprimé vert. Et ça explique aussi cette difficulté d'observance. Ça explique une difficulté d'observance. Donc au-delà de ces médicaments, c'est pour ça qu'on a intérêt à avoir des combinaisons pour diminuer le nombre de comprimés à prendre. Que d'autre part, les sociétés savantes recommandent de plus en plus maintenant de passer par des techniques de dosage dans les urines des médicaments pour savoir si les patients les prennent ou pas. Et lorsque Xavier nous dit qu'à Pompidou, on recevait des patients pour les protocoles de dénervation qui étaient envoyés par des centres experts en hypertension et qui étaient des hypertendus résistants catalogués comme tels, le responsable de l'étude me disait régulièrement que lorsqu'on leur donnait un bon traitement et lorsqu'on vérifiait que ce traitement était pris, on en excluait plus de la moitié. De la recherche, de la prise en charge, du diagnostic, beaucoup, beaucoup de choses pour éviter cette pandémie majeure qui vient, qu'est l'hypertension artérielle. Merci beaucoup à tous les deux, Bernard Lévy et Xavier Girard, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Céline Nozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Natacha Triou, Nicolas Martin, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Florent Bujon. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.